Tatouk et Bidi Bidi Boom. Et c'est Pyongyang City Rockers qui recommence, numéro 377. Il marche ton micro, je sais pas. Je sais pas. Ah bah ouais, c'est bien. Moi je m'entends pas. On rigole. Bah c'est parce que t'as un casque piégeux. Je vais augmenter après. Ouais. Et puis alors il y a Gaël que vous entendez la sublime voix. Bonjour Gaël. Et puis il y a aussi Jamie, je sais pas ce qu'il fout là. Il regarde son téléphone. Non, ouais, t'es là. Non, je règle bien, des histoires. C'est comme en prison, tu sais, tu dois régler tes affaires. Mais bien sûr, t'as raison. Ouais. Bonjour. Bon. Ouais, ça va. Je sais pas. Là, si t'as un micro, il est carrément dans le sac. Il est dans le sac. Non, c'est bon, ça va. Tout ce que j'ai dit avant, c'était n'importe quoi. Non, pas du tout. C'était très bien. On a entendu, ou au moins, on a pu deviner. D'accord. Ce soir, pas d'invité. On est qu'à nous trois tout seuls. Et puis, je sais pas. Moi, je vais passer plein de trucs encore par rapport à des concerts qui vont avoir lieu ici en fin de semaine. Ce soir, en fin de semaine. Et puis, sinon, j'aurai 2-3 trucs en plus. Puis, vous avez des trucs spéciaux, non? Ouais. Moi, j'ai pas de basque. Quoi? Non, tu sors. J'ai pas de basque. Moi, j'ai de l'exclusivité. Ah, alors là. Putain. Et il commence à nous faire des surprises. Mais c'est fou ça. Ouais. Il en a plus que moi maintenant. Ouais. Bon allez, c'est quoi ça? Je commence par un bon vieux tube de tube, que bien oublié, surtout dans nos contrées. Par contre, vous allez dans tous les pays de l'ex-Yougoslavie, c'est encore... je pensais que t'allais passer les perfusés. Les hyperstars. Ah non, c'est pas oublié les perfusés, tu rigoles toi? Attends, vas-y. Non, moi je voulais parler de coups d'idiotie. C'est pas des oubliés ça, on a passé depuis... Ouais, nous, ouais. Des années. Ouais, nous oui, mais parle-en un peu à l'extérieur, j'ai fini, il n'y avait personne. Et voici donc le titre qui est sorti en 92, Preživjeti, coup d'idiotie. T'as que ça, Jamo? Non. T'as pas que ça? Non, j'ai d'autres trucs, plein de trucs ouf. Mais je vais pas passer tous les exclusivités tout de suite. Non, bien sûr, attends, il faut en regarder un petit peu pour après, je sais pas. Non, je vais passer un truc ancien, là. Un truc des garçons bouchers. Ouais. On a mal vieilli le nom de l'album. Donc, tu parles de nous? Bah, non, non, moi je trouve ça va encore. Hein. Encore, ouais. On se comporte bien. c'est la Lambada, on n'aime pas ça, c'est sorti en 90. En plus, c'était une reprise, hein, franchement. Ouais. Et la dite reprise, c'était en 89. Mais comme c'est un tube de l'été, faut calculer en été, tu vois. Ouais. Ouais. C'est peut-être sorti en hiver 89 et que c'est... C'est là, mais j'en sais rien. Non, la Lambada, on n'aime pas ça. Bon, nous, on préfère la OI. Ouais, et la Java. On n'aime pas ça, nous on préfère la Java. La Lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la Java. En général, plus c'est con et plus ça marche à fond. C'est dur de se mettre au niveau, on va te choper un lumbago. Et si par devant on vous joue la Lambada, en fait nous ce qu'on aime c'est la Java. Et comme dit Étienne qui est plombier dans le 14e, c'est ce qu'on aime, qu'on aime. La Lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la Java. La Lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la Java. La Lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la Java. La Lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère. On n'aime pas ça, nous on préfère la Java. La Lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la Java. La Lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la Java. La Lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la Java. La Java, la Java, la Java, la Java, la Java. La Lambada, on n'aime pas ça. Ça passe vite, hein? Ça passe vite, ouais. Ouais. L'air de rien. J'y croyais plus, là. Bon, bah, c'est tout. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Pyongyang City Rockers que vous écoutez. Il est déjà 20h11. Putain, comment ça passe vite aussi. Gaël, tu consultes fiévreusement ton téléphone. Ouais. Que se passe-t-il? Tu as perdu ton texte? Voir... Pardon. Quand est-ce qu'est sorti la première prod, là? Tac, tac, là, j'y suis. Voilà, c'est bon. Alors, on va parler... Ça, c'est préparé comme émission. On va parler d'un groupe lyonnais. Fléau. Parlez. Quatre mercenaires, musique brutale, destruction maximum. leur premier EP qui est sorti en 2021 sur Contra Records, Red Scare et Pressure Tour, m'a mis une sacrée baffe. Fléau frappe fort, Fléau écrase tes derniers espoirs, Fléau tranche tes tympans. Toutes leurs chansons parlent de bataille et ils portent des casques médiévaux lorsqu'ils jouent. Oh non. Donc je ne vais pas vous dire qui c'est qu'il y a dedans. T'es bien sur Radio Campus Lille, tout de suite c'est Fléau. Ta prochaine branlée en direct sur le 106,6, c'est tout nouveau, on ne sait pas sur quoi ça va paraître, mais c'est déjà sur Radio Campus Lille, Force Brutale. Non, Force Brute. Boum. Bisous, mon Simon. Ça y est, c'est vraiment du copinage. C'est honteux, honteux. Pas au courant. Pas de copinage de ma part, alors que bon, c'est quand même quelqu'un du coin. C'est Forest Spooky qui a allié ses forces avec. Qui est actuel maintenant du coin. Oui, bah oui, bon, t'as rien du coin. Il y a Butou à Arras, un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Il s'est allié avec Cooper, qui est un des plus anciens groupes punk mélodiques des Pays-Bas, pour faire The Cooper and Forest Spooky Experience. Et il joue là, ces jours-ci, partout, dont ce soir, maintenant, tout de suite. Si ça tombe, ils sont en train de jouer là, maintenant, au Singe Savant, rue d'Arras, à Lille, en compagnie de Random Sitcom, aussi des petits jeunes qui n'en veulent et qui font des trucs assez mélodieux, tu vois. Bien, puisque c'est comme ça, ouais, et puis alors sinon, bon, vous regardez sur Shpunk, hein, vous faites chier, faites pas chier, parce que, il y a, oui, .org, oui, parce que c'est, on joue du clavier, et parce que Cooper and Forest Spooky Experience, ils jouent à Boulogne, à Bruxelles, à Dunkerque, au DND, je crois, ces jours-ci. Donc, il n'y a plus qu'à aller regarder puis remettre tout ça dans l'ordre. Pour l'instant, ce soir, ils sont présentés par Sleepy Dog, que nous saluons au passage. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup dans l'organisation de concerts un peu partout. Voici donc The Cooper and Forest Spooky Experience avec Turn the Wheel. We'll be right back. looking at the trash on the table. It's not been cleared for a couple of days. I'm feeling down, it shows in many ways. Said in a cynical manner, while your eyes turned away from me. Intentions aren't enough, nothing's for free. Let's turn the wheel, and then roads reveal. Turn that wheel, what do I feel? Where can I go without a destination? Where can I move without hesitation? What will I find when I'm feeling down and you're not around? The thoughts in my head wear me out. Wanna have fun without having a doubt. Keep myself going and shift that gear now. Let's turn the wheel and then roads reveal. Turn that wheel, what do I feel? Let's turn the wheel and then roads reveal. Turn that wheel, what do I feel? Un petit fade out. J'ai soif. Ah, ah, non, ouais. Oui, t'as soif. Et ben, on va passer plein de musique là, comme ouais, ça, tu pourras aller chercher de la bière. À Waterford. Ah, bah voilà. Je dis, j'ai soif, on part en Irlande. Parfait. Ouais. On va voir. Simpos. Si tu veux. Ouais, ils sortent un nouveau truc. Là, le 28 mars, un nouvel. C'est un album ou un EP ? C'est un album. C'est un album. Vu le nombre de titres que j'ai vus, c'est un album. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais. Ça sort sur Primator Crew, Talk Ain't Enough, Oog. Mr. Face et Destroy. Ça sort le 28 mars. Et tu l'as déjà, là ? Non, là, on a des exclusivités. Non, mais... Ouais. Ouais. Il faut rejeter. Il est fort, Jamie. Et alors, j'ai décidé de vous faire découvrir deux titres. Alors, AGAB, Agab et Ship. Et c'est quoi le G de AGAB, alors ? Bah, je pense que c'est Garda, comme ouais, la, okay, tu vois, ah ouais. La Garda. Police irlandaise, c'est police. Garda avec un I, Gardei. Gardei, Gardei, Gardei. Ouais, c'est quand ils arrivent, Gardei. Gardei, ouais. All Guardians are bastards, quoi. Wow. Voilà, ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Bon, ben, on écoute ça, merci beaucoup Bertel pour tes exclus, c'est cool. Ouais, et Primator Crew et tout. Représente. Simpos. Come and catch me, Garda man. I'm driving around with no insurance plan. Laugh to myself as I'm spinning away. Cause I don't have a tax disc on display. Drive away. Look look in my rear view, what do I see? A dirty fucking squawker and it's following me. Well, a bead of sweat drips from my brow. But I'm glad I had those couple beers anyhow. Cause I don't give a fuck about cars. And I don't give a fuck about guards. C'est vrai que ça coupe sec. Hein. Ouais, t'avais prévenu, j'avais failli me faire avoir. Ouais. Simpos. Je t'ai même pas dit ce qu'on allait passer. Bah, je sais pas. Ouais. Ah, bah, on a un peu le temps. Attends, bah oui, on a un peu le temps. Il est 20h24. Alors, je vais faire la rétrospective d'un groupe décédé qui va sortir un disque lundi. Ok. Un disque. Avec les Gopins de Mawashi, on va sortir un disque lundi prochain. Alors, j'ai demandé à Kevin, le chanteur du groupe Capo Blood, un petit descriptif du groupe. J'ai reçu un pavé en guise de bio, que j'ai essayé donc de vous synthétiser. Attention, là c'est pour les scanners, ceux qui aiment les petites histoires, tout ça. Ouais. C'est le moment d'aller aux toilettes si vous n'aimez pas ça. Alors, 2011, Chicken et Kev fondent le groupe SDT, soupçon de tout, avec Maya à la batterie. 2012, Sinoc remplace Maya, c'est les premiers concerts. Puis changement de nom en Les Exclus, puis Tricard pour opter finalement par Damaskins. Damaskins, c'est de la oeil de squat qui s'en tape de ce que la scène pense, qui s'exprime comme elle en a envie, sans se soucier des fragiles ni des donneurs de leçons. 2013-2014, Nico rejoint le groupe à la basse sur quelques dates et lors des répètes. De cette période naîtront deux chansons, Bergo Boot Boys, qu'on vous a passé il y a 2-3 semaines et qui s'appelle maintenant, je ne sais plus, écrite par Sinoc avant la fin du squat, et une chanson sur les Red Bones écrite par Nico. Il n'existe aucune trace de ces morceaux, et retenu le terme Bergo, pour bergonier, l'arrêt de tramway où il, faisait descendre, où il fallait descendre pour se rendre au bunker. Fin 2014, Chicken, Kev et Sinox fracturent la porte d'une vieille maison bourgeoise à Cubzac-les-Ponts afin que Chicken ait un nouveau toit. Le squat Versailles est né. C'est aussi le titre d'un des morceaux que vous retrouverez sur l'album. 2016, le line-up se cherche toujours. Ah non, j'ai zappé 2015. Le groupe recommence à répéter fin 2015 chez Acouphène Studio, quartier Saint-Michel. Sinoc quitte la partie après quelques répètes et Damaskin devient Capo Blood avec Kev à la batterie chant, Johan à guitare chant et l'arrivée d'Armand à la guitare. 2016, le line-up se cherche toujours. Arthur devient batteur, Lucas aka Mastrai devient bassiste. Le groupe commence à se faire un nom et une réputation pour ses bastons de rue et ses bastons de bar que pour sa musique. Je cite, « Lucas ne passe pas une soirée sans caler un pied-bouche dans un crust ou un pro-goulag à la con et Kev et Johan enchaînent les bagarres de comptoir à 8 grammes. » Toujours en 2016, en décembre, première session studio. 6 morceaux sont enregistrés par Jimmy de Overdose TV au studio Kassar Odds Audio Labs. Seules les chansons « Je nettoie la France » et « Drink and Destroy » sont produites et sortent en septembre 2017 sur l'excellentissime EP 13-12 qu'ils ont sorti avec les Québécois de King Cans. Le disque est produit par Chrome Records et LSC Records pour le Canada. Armand part avant la sortie du split et le groupe restera à 4 pendant presque un an. Arthur quitte à son tour l'aventure courant 2018 pour laisser la batterie à Jeff et c'est également l'arrivée de Lou à la guitare. J'espère que vous avez pris des notes, hein, parce qu'il y en a eu du changement. J'en prends aucune. Oh. Après quelques répètes et un concert, Jeff quitte le groupe avant l'enregistrement de l'album. Je vous rassure, on y est presque à la fin. Septembre 2018, Capo Blood part enregistrer dans le sud de la France au Studio 13. Arthur rejoint la bande, enregistre ses pistes batterie en quasiment une prise et l'album est plié en 3 jours. Les concerts et les embrouilles reprennent dès début 2019. L'album sort en septembre de cette même année. En décembre, Mastrai quitte l'aventure et est remplacé par Adrien du groupe Footboy. En février 2020, Capo Blood part en tournée avec Parpaing. Une semaine après la tournée, Chicken se suicide le 3 mars 2020. Le groupe continuera malgré l'absence de Chicken. Les années Bergo, ah bah tiens, c'était ça le nom de la chanson tout à l'heure. Les années Bergo, qui est le nom du disque qui sort le lundi 3 mars, est un EP hommage à Chicken et aux années Damaskins. Il sera aussi le disque d'adieu de Capo Blood en honneur et respect aux 11 années d'amitié de Chicken et Kevin. Je vous propose d'écouter le morceau Damaskins sur le 106,6 à Lille et sur le www.campuslille.com à Bordeaux et ailleurs. Ça sort sur les labels Sabre et Fossil, Chrome Records, Kikorasso, Ultramarines, je parle bien du groupe Ultra de Bordeaux, Tapez dans le Mille et Mawashiskins Records. Oi. Tu vas surtout pas te plier, car t'es honnête, un ange. Mais c'est des fois tu te fais trop chier. Tu voudrais que ça change. Tu vis en squat, c'est la débrouille. Tu fais souvent la chouille. Tu arroses tous ces poivrons qui se font passer pour tes poteaux. Les profiteurs bien assoiffés, toujours là à quémander. Mais quand t'as besoin d'un coup de main, tu n'as plus de copains. Ce qui lève de la zone, tu crains rien ni personne. de la guerre t'as pas vergogné. Ton courage et ton bouclier. Ta masquine est la sonne, plus besoin de personne. Le tricard roule dans la bagnole, rock'n'roll les pattes de baseball. Vous êtes des petits rigolos et vous le regretterez. Je suis pas rouge, c'est une chose, mais sûrement pas nazi. Restez dans votre psychose, nous c'est sur vous qu'on chie. Ce qui est de la zone, tu crains rien ni personne. De la garde à pas vergogner, ton courage et ton bouclier. Ta masque de la zone, plus besoin de personne. Le tricard coule dans la bagnole, rock'n'roll les pas de baseball. Chicken de la zone, au grand cœur comme personne. De Versailles à Bergognier, et soit tu les as partagés. Chicken de la zone, plus besoin de personne. Tu les emmerdes tous ces bouffons, tu l'as tatoué sur ton front. Fuck you all, fuck off. Fuck you all, fuck off. Plus besoin de personne. Fuck you all, fuck off. Rock'n'roll les battes de baseball. Fuck you all, fuck off. Plus besoin de personne. Fuck you all, fuck off. Ouais, je sais, il y a un fade out, Stéphane, je le sais. C'est toi qui m'as appris à ne pas aimer. Hein. Mais bon, là, le morceau, il déchire, donc je le repars. Ouais. C'est des gros vilains. Hein. Oui, il vaut mieux pas s'embrouiller avec. Chaque fois que j'ai au téléphone, on s'embrouille. Bisous, Kevin. Bon, non, maintenant parlons des vrais gros vilains, dont Retailleau, qui sera présent demain soir à 20h pour un meeting dans le cadre de la primaire du parti Les Républicains, parce qu'il veut devenir chef de parti, puis peut-être un jour président, et puis machin, tout ça, devenir Trump, peut-être. J'espère qu'il va passer à la radio. Hein, voilà, il va peut-être, on va peut-être l'inviter campus, je sais pas, ouais. Je sais pas qui va se dévouer. et pour l'accueillir... Trois corps et un cerveau, je crois qu'ils sont bien placés. D'abord, faudrait qu'il se rase. Bonjour les gars. Ton corps d'un cerveau, c'est à 21h le jeudi sur campus. Non, mais à 21h, ce sera trop tard parce qu'en fait, à 19h30, il y a un rassemblement Antifa devant la Halle au Sucre où doit avoir lieu le meeting qui, lui, doit avoir lieu à 20h. Bon, on verra ce que ça donne. Il devrait y avoir, a priori, un dispositif policier, etc. Assez conséquent, donc faites gaffe à vos miches si vous passez dans ce coin-là. C'est dans le vieux Lille, vous voyez, derrière le palais de justice, là. Youpi. Totalement rien à voir. De quoi je voulais parler, là? Je vais continuer à passer de la musique qui va passer ce week-end. Enfin, non, ce jeudi. Qu'est-ce qu'il va y avoir demain au CCL? Il y aura deux groupes néerlandais, Aust et Trump. Et puis il y aura aussi des habituels, Matraque Attack et Short Days. Matraque Attack, il commence à être habituel. Oui, je sais, t'es un Gaël, toi, c'est pas pour toi. Donc ça sera au CCL demain soir à partir de 20h30 pour un prix libre avec une superbe affiche faite par The Master Barreto soi-même. Allez-y, hein, parce que ça devrait être bon. D'ailleurs, dès maintenant, je vous passe un titre de Traumatizer enchaîné avec un titre de Aust, à moins que ce soit le contraire. Ouais, je vais mettre Aust d'abord. Donc Aust, ils vont faire Rather Be a Fuck Up Than a Fascist. C'est dédié à Rotaio. Et ensuite, Traumatizer avec Release Fear. Yeah. Yeah. aussi, hein, y a un petit fade out. C'est bien. Ouais. Ouais. Un traumatiseur, franchement, ouais, là, hein, ça va être compliqué de pas y aller. Ça va, Jamie? Alors, t'as décidé ce que t'allais passer ou pas? Ouais, finalement, j'ai décidé. Je vais y aller en descendant. C'est bien. Décidé, descendant. Ouais. Phase descendante. Je vais passer un vieux titre des Wampa. Les Wampa? Ouais. Où est-ce que je l'ai foutu? Ah, il est là. Il est là. Ma mère me rend folle. C'est un message ou quoi? Ouais. Je sais pas. Ton côté folle. J'aime bien. Elle a la classe. Et c'est issu de Chicoutimi en 98. Les Wampas. Ouais. Sur le 106.6. Bon, bah, j'en Ma vois. Mère me rend Allez. Folle. Il y en a qui disent les Wampas. Hein. C'est pour ça. Moi, je dis les Wampas bah, parce que je suis du. C'est du wagon. Ouais, un wagon. Voilà. Ouais. Et toi, t'es pas en vacances. Donc voilà quoi. Non, hein. Ah bah voilà. Les Wampas. Allez. Wampas, allez. Chante exactement comme il faut le chanter. Et voilà. Ouais. Ah. Je suis étonné de connaître encore un petit peu de paroles. Ouais. Merci Jamie pour ces souvenirs. C'est un remember. Ah ouais. Alors vas-y, dis où tu les as vus. Ah, mais je les ai vus plein de fois. Non, mais en particulier, tout ce que tu as dit juste avant. Là. J'avais dit quoi? J'avais dit à Roubaix. Non. À la condition publique. Non. Au Rockline. Au Rockline, ouais. Et je crois que c'était perfusé en première partie. Oh putain. Maintenant, c'est un fleuriste. Enfin, si c'est toujours un fleuriste. Ouais, je crois que c'est un fleuriste. Oh, les fleurs. Oh là là, putain. Ouais, c'est ça. Voilà déjà plus d'une demi-décennie que Monde de Merthe s'est monté à Orléans. Réunissant les sections cuivre des orchestres locaux de Burning Heads, Gravity Slaves et 168 Red K, c'est une blague, hein. Genre de All-Star Band sauce Jeanne d'Arc. Monde de Merthe envoie un punk hardcore tendu, saupoudré de blast beats, porté par une voix féminine de femme, ampli de féminité. On pense à Punch, Gloss, F- ou War on Woman. C'est le descriptif qu'on peut lire sur leur Bandcamp. Je vais rajouter que le vinyle arrive la semaine prochaine sur Champmax Records et que les dates de concert commencent à tomber. D'ailleurs, le groupe cherche une date dans le Nord, le 14 juin, sur la route de leur concert en Belgique, à Tongeren. Tongeren. Tongre. Tongre. Tongeren. Ouais, Tongre. Tongre. Ouais. Oui, ouais, le 14 juin. J'ai pris avec moi le morceau November Sky, c'est Monde de Merthe, sur le 106,6. En train de s'empailler sur le rider de Motorhead. Là. Ouais. Oui, bonjour, même les clopes, ils demandent des Benson en Grande-Bretagne et puis ailleurs, c'est une autre marque de clopes. Ouais, attention, hein, pas n'importe quoi. En Europe, en US. Ouais, bref. C'est le temps de passer au tabac. Hein, j'ai vu des tabacs. Non. Il y a une petite ligne en bas pour dire que tous les trucs qui n'auront pas été consommés sur place, ils seront repris dans le bus, dans le tourbus. Voilà. Ah bah attends. Ça, c'est un contrat bien ficelé. Voilà, exactement. Voilà. On dirait que c'est moi qui l'ai écrit. Bon, je continue dans à la recherche des groupes avec des styles revendiqués assez improbables. C'est un des groupes qui vont passer ce vendredi au CCL du Flan. Ils seront en compagnie de El Rookie et Biure. Biure qui fait du metal burlesque. Alors que burlesque peut-être et El Rookie qui fait le tech noise et puis du flan eux alors attends je regarde mes plaquettes ils font au choix du satanique disco doom ou du accelerated new wave and unworld music. Ça aussi, tu vas pas cliquer si non, tu vois ça. Non, bah, moi j'ai cliqué, mais j'aime bien. Donc j'en passe un, surtout que ça passe ce vendredi donc au CCL à partir de 20h30, prix libre comme d'hab. Et donc les voici du flan qui vont nous parler des mérites du tartinable à l'œuf ailleurs à Austrich, du flan. Eh ben voilà, hein, t'as wow. vu Dis- machin à disco doom, hein. Ouais, c'est bien. Bon. Et vous savez qu'il reste les 6 minutes dans ce Pyongyang City Rockers numéro 377, mon cher Jamo. Ouais. T'as vos 4 cosses. On va pas confondre à 1972. Non. Et 72.8 FM. Mm-hmm. C'est Stupéflip, là, maintenant. Attends, il est où? Il est... il est là, quelque part. Réponds pas, fais ton truc, il va ouais, le couler. Ouais, c'est sorti sur Son de Ouf, non, inédit jure, et remix. Ah, tu l'as vraiment pas? Non, non, je l'ai vraiment pas. C'est vrai. Ouais, je te jure. C'est quoi ce bordel? Bah, vas-y, moi je vais passer un truc alors. Ouais. C'est... Regarde, si tu peux flip pour la prochaine c'est fois. C'est quoi si le titre? Tu l'as pas? Le titre, c'est Haters Killa. Ah, si, d'accord. Ah, okay. Bah ouais, voilà. t'as pas écrit si tu peux flip, comment tu veux que je le sache? Ah ouais, bah non, tu savais pas. Bah non, ça vaut non, mais... Ah bon, bah alors c'est Haters Killa, Stupéflip, sur le 10, Son de Ouf, et c'est 30 ans de inédit et remix. Voilà, c'est tout de suite sur Radio Campus Lille. Ouais. Comme des serpents, ils pissent sur mes sentiments. Incroyable con, et dans mon cou, ils plantent leurs dents. De quoi devenir paranoïde. Pauvres nazes ont la haine, font chier bourrés sous stéroïdes. Arrogants, ils se la jouent testostérone, va falloir lâcher l'affaire. Ils sont jaloux, ils observent leurs voisins, ont pas envie de le voir heureux. Cette seule vision les rend zinzin, ça les renvoie à leur triste réalité. Vie de merde, taf de merde, du cervelas dans le cervelet. Ils ont du flambi dans le slop, bande de salopes. Faut qu'ils restent tranquilles ou je les découpe comme une escalope. Stupéflip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fou. Ça t'handicape quand tu n'as pas. C'est une construction mathématique. Un truc pataphysique qui te pique comme un aspic. Stupéflip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fou. Ça t'handicape quand tu n'as pas. C'est une construction mathématique. Un truc pataphysique qui te pique comme un aspic. Crou, truc, crat, truc, il fout une trempe. Accro du micro, mon style en cru de fou des crampes. Ce truc, je le crie comme une truie contre rien. Mes textes pourris pour faire triper les gamins. Ma force était la farce, maintenant gaffe si ça se force. Je suis fort comme un arbre et la zik est mon écorce. La course au fric, j'en ai rien à carrer. Et y'aura pas de film bullshit sur mon troisième CD. Le matos merde à mort, mais je m'accroche comme un tic. Encore un petit effort et tu pourras m'appeler Patrick. Moi je suis King Jules, celui qui crie fort. Fasciné par la moisissure. Stupéflip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fou. Ça t'handicape quand tu n'as pas. C'est une construction mathématique. Un truc pataphysique qui te pique comme un aspic. Stupéflip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fou. Ça t'handicape quand tu n'as pas. C'est une construction mathématique. Un truc pataphysique qui te pique comme un aspic. Moi c'est Sadomodo, tranquillo. 130 kilos de viande de volée de cheese dans mon ventre pèse lourd comme un sac à dos. J'suis de l'époque du Wu, Ice Cube, pas des rigolos. J'digère le bon son, Big Duke, Bacalo Zero. Parasé, gros oro, muchacho, poncho. Cool avec l'ego, sans gros mots, besame mucho. Ponche coco, pulopo, style Celentano. J'peux être un télo, même si plat est mon encéphalo. Pas d'allô maman bobo, pas de problème d'ego, sadomodo et réglo. Me sens lourd, mentalo, sueur qui coule, slow tempo. Pas d'allume même s'il fait chaud, toujours classe en pédalo. Stupéflip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fou. Ça t'handicape quand tu n'as pas. C'est une construction mathématique. Un truc pataphysique qui te pique comme un aspic. Stupéflip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fou. Ça t'handicape quand tu n'as pas. C'est une construction mathématique. Un truc pataphysique. Comme un aspic. Oh putain, heureusement, je me fais le rang, me l'un, on m'en rien ne sert à vie. Moi, il me reste des pires, une malheur, tape le pince, ce livre, ça s'en va pas dans les pires. Allons. Mmh. Ça discute, c'est que Pyongyang Sea Rockers numéro 377 qui finit avec un titre de critique, les Belges, c'est Die and Let Live. Je vous repasserai un jour parce que j'avais préparé un baratin là-dessus. Drôle de reggae. Basta. Ouais, enfin. C'est pas du reggae. On se retrouve la semaine prochaine pour la 378e de cette émission majestueuse. Encore une fois, on n'a qu'une heure, hein, c'est con. Là, actuellement, on aurait deux heures, j'en plierai à l'aise. On n'oublie pas d'écouter tout plein de bonnes émissions. Dans quelques secondes, vous pourrez entendre Teeth Grinder avec l'ami JD. Ensuite de quoi, ça sera B-Boy Bouillabaisse et Nicolas, et puis son hip-hop abstrait. C'est fou quand même. Sinon, il y a plein de... Hein, et ça fait combien de temps qu'il fait cette émission? C'est énorme. Mais bon, en tout cas, il reste 10 secondes. Donc, déjà. Il reste 5 secondes. Donc, allez, un câble. Un câble. À la semaine prochaine. H-T-A-U-B. Radio Campus Lille, 21h.